À la messe, les chrétiens écoutent quatre lectures de la Bible. La première est souvent tirée de l'Ancien Testament ou encore des Actes des Apôtres. Puis viennent un psaume et la deuxième lecture avant l'Évangile. Souvent, la deuxième lecture est un extrait d'une lettre que Paul a écrite aux tout premiers chrétiens. Au début, Paul ne s'appelle pas ainsi. Il se prénomme Saul. Il fait partie des Juifs qui ne croient pas que Jésus est le Messie annoncé. Il pense bien agir, car il aime tellement Dieu que pour lui, il est impossible que Jésus, un homme né de Marie, soit le Fils de Dieu. Un jour, Saul fait une rencontre surprenante sur la route de Damas, comme il le raconte dans les Actes des Apôtres. « Soudain, une lumière venue du ciel m'a enveloppé, je suis tombé à terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je demandais « Qui es-tu » Il me répondit alors « Je suis Jésus que tu persécutes, relève-toi et va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Saul va à Damas où il apprend à connaître Jésus. Il découvre qu'il est vraiment le Messie. Il est baptisé, change de nom et de vie. Lui qui persécutait les chrétiens prend le bateau, marche, annonce le nom de Jésus à tous. Au début, on a un peu peur de lui. On se méfie. Mais très vite, les gens comprennent qu'il est devenu un vrai disciple de Jésus. Paul fonde des petites communautés de chrétiens. Pour cela, il reste quelque temps au même endroit. Quand les communautés peuvent continuer sans lui, il repart. Il écrit des lettres pour les aider à continuer à vivre selon l'Évangile. Son action ne plaît pas à tout le monde. Et un jour, il est arrêté, conduit à Rome et mis à mort.